Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blue des Barrales 1882. Appendice. Le darwinisme à l'exposition universelle. Notre grande exposition de 1878, si remarquable et si remarquée à tant de titres, a offert cependant une innovation que je n'hésite pas à qualifier de déplorable. C'est celle d'avoir accordé un compartiment spécial à l'étalage de ce qu'il y a de plus insensé dans l'école de Darwin, non la vraie place de toute celle friperie n'était pas là. Elle était bien plutôt sur un champ de foire, parmi ces exhibitions appelées phénomènes qui ont pour objet d'amuser la foule, tels que la femme à barbe, le veau à deux têtes, le mouton à cinq pattes et le canard à trois becs. Mais enfin, puisqu'on a cru devoir faire cette concession aux idées de propagande matérialiste, il nous est impossible de ne pas en dire quelques mots. Faisons donc une revue rétrospective et entrons dans le pavillon qu'on a intitulé, je ne sais trop pourquoi, musée anthropologique, car, par sa destination et son mobilier, il méritait plus justement le titre de palais des singes. Mais, d'abord, dans quel but avoir placé en dehors et de chaque côté du vestibule deux espèces de monstres en pierre meulière, dont les traits grimaçants n'ont rien d'humain, et dont l'attitude accroupie rappelle les magots de la Chine? Peut-être faut-il y voir une sorte d'emblème de l'idée qui a inspiré les ordonnateurs de cette partie de l'exposition, idée effectivement tout à fait chinoise. À ce point de vue, tout s'expliquerait. Mais ne nous arrêtons pas à ce qu'on pourrait appeler les bagatelles de la porte, et pénétrons dans l'enceinte. La première salle où l'on entre est consacrée tout entière au sujet d'anatomie. Voici en peu de mots quelle en est l'ordonnance. Au milieu s'élèvent deux estrades d'honneur, exclusivement occupées par des singes. Dans l'une se trouvent des squelettes de ces animaux, montés avec soin et disposés dans des attitudes que l'artiste s'est attaché, sans beaucoup de succès, à rendre pittoresques. Dans l'autre se trouvent des singes empaillés, se dressant fièrement chacun près d'un tronc d'arbre, auquel ils s'appuient, un peu comme Hercule au repos, leur bouche entr'ouverte à quelque chose d'altier et de narquois. Au-dessus de chaque groupe on lit en gros caractères, singe anthropoïde, en d'autres termes, homme singe. Et, pour mieux affirmer encore que ces animaux font bien réellement partie de la grande famille humaine, on a suspendu, près de la voûte, à la place d'honneur, une grande pancarte ainsi conçue. Ordre des primates. Première classe, hominiens. Deuxième classe, singes anthropoïdes. Ainsi nous appartenons, comme les singes, à l'ordre des primates, mais nous avons le pas sur eux. Bravo! Seulement, pourquoi ne pas nous appeler hommes tout simplement, mais hominiens? Je crois saisir la pensée du classificateur. Par hominien, il indique que nous ne sommes plus tout à fait singes sans être encore tout à fait hommes. C'est peut-être assez logique. Le tout est signé Broca. Voir l'ordre des primates, parallèle anatomique de l'homme et des singes, par Monsieur Paul Broca. 1870. Si maintenant, quittant les singes, nous promenons nos regards et nos personnes tout autour de la salle, nous voyons les murs littéralement tapissés de vitrines où l'on a disposé par ordre toute une immense collection de crânes, mais, cette fois, de crânes humains. Il y en a de tous les pays, de tous les âges, de toutes les races. Les uns sont remarquables de conservation, les autres au contraire ont été en partie érodés par le temps. Quelques-uns ne gardent que des lambeaux de chevelure et de chair, enfin plusieurs ne sont que des momies desséchées. Il y a aussi des squelettes, mais quelle triste mine ils font à côté de ceux des singes dont nous venons de parler. Au lieu d'affecter, comme ceux-ci, des poses académiques, ils sont relégués dans de simples placards, et accrochés droits et raides comme des carcasses de pendus. Tous les crânes ainsi exposés ont été rangés par ordre chronologique et par ordre géographique, de manière à permettre leur étude comparative, on voit de la sorte en quoi ils se ressemblent et en quoi ils diffèrent. Il existe à cet égard les variétés les plus étranges, seulement, à l'opposé de ce que prétendent les darwinistes, ils se rapportent tous à un même type qui n'a d'analogue dans aucune autre espèce animale, et qu'on peut appeler, le type humain. Presque vis-à-vis se trouve une autre collection de crânes, mais cela ayant appartenu aux assassins les plus célèbres des diverses parties du monde. Aussi est-ce surtout de ce côté que se porte la foule des curieux. J'étais moi-même en train de les contempler, lorsqu'un monsieur en habit noir, qui semblait remplir les fonctions de cicérone et qu'on nous dit être le docteur T, s'approcha de nous et nous régala du petit boniment que voici. Tous ces crânes, par cela seul qu'ils ont appartenu à des criminels, offrent quelques vices de conformation, le crime étant constamment le résultat d'une organisation anatomique défectueuse. La lésion la plus fréquente est l'ossification prématurée des sutures. Note. On appelle suture la jonction par engrenage des os qui forment la voûte du crâne. Fin de la note. C'est cette ossification qui, mettant obstacle à l'expansion du cerveau dans les points où résident les bons instincts, fait prédominer les mauvais. L'homme alors devient l'instrument inconscient et par suite irresponsable de ses actes. Aussi, là où la loi voit des coupables, ne voyons-nous que des malades. Tout cela fut débité avec un aplomb incroyable. Quant à la démonstration sur pièce et sur place du prétendu fait anatomique, monsieur T. l'essaya vainement. Tout au plus parvint-il, à force de recherche et surtout de bonne volonté, à découvrir sur quelques crânes l'effacement de certaines sutures. Seulement un point capital qu'il omit d'ajouter, c'est que ce même effacement s'observe sur le crâne des plus honnêtes gens, de même qu'il peut manquer totalement sur celui des plus profonds scélérats. Je citerai comme preuve de ce dernier fait l'exemple que voici, je possède le crâne d'un célèbre assassin, le nommé Soufflard, qui, condamné à mort avec son complice le sage, par la cour d'assises de la Seine, pour assassinat d'une femme Renaud, marchande au temple, s'empoisonna, au sortir de l'audience, en avalant une dose énorme d'arsenic. Or, sur ce crâne, aucune suture n'est effacée, toutes au contraire se dessinent de la manière la plus apparente. Note. Voici par quelles circonstances j'en suis devenu propriétaire. Lorsqu'on s'aperçut, au sortir de l'audience, que Soufflard venait d'avaler du poison, on courut en toute hâte à l'hôtel Dieu chercher l'interne de garde. Je me trouvais précisément être de service ce jour-là. Arrivé près de l'assassin, je n'eus pas de peine à reconnaître la présence et les effets de l'arsenic, seulement, il en avait absorbé une telle quantité, qu'aucun antidote ne put en neutraliser les effets. Lui mort, son corps fut transporté à la morgue, où Vorfila le fit servir à ses fameuses expériences sur l'appareil de marche. Quant à sa tête, elle me fut donnée et me servit également dans la lutte que je soutenais alors contre la société phrénologique. Fin de la note. Du compartiment des crânes, Nous passâmes à celui des cerveaux. Là se trouvent côte à côte, dans une sorte de montre, plusieurs cerveaux humains, les uns naturels, conservés par embaumement, les autres artificiels, simplement moulés en plâtre. L'inévitable docteur T nous fit encore à leur sujet un petit cours de phrénologie non moins matérialiste que celui qu'il venait de nous faire sur la cranioscopie. Ainsi, à l'en croire, la substance nerveuse et l'intelligence ne font qu'un, le développement de celle-ci amène forcément le développement de celle-là, de même que son défaut d'exercice entraîne forcément son atrophie. Il y a donc entre la pensée et le cerveau un lien matériel, et ce lien est le seul qui les unisse. Et dire que voilà les commentaires dont les organisateurs du musée anthropologique ont cru devoir assaisonner, par l'organe d'un des leurs, cette stupide exhibition. Je terminai ma visite par l'inspection de la vitrine où se trouve toute une collection de mains modelées en cire. Il y en a quatre principales, disposées sur un même plan, et étiquetées ainsi qu'il suit, main de Monsieur Ferdinand de Lesseps, main de Monsieur Alexandre Dumas fils, main de Tropman, main d'Orang-Outan. C'est là, comme on le voit, du darwinisme doublé de chiromancie. Maintenant, comment déduire de ces rapprochements et de ces comparaisons des preuves à l'appui de notre parenté avec le singe? J'avoue que cela dépasse la mesure de mes moyens. Tout ce que je puis dire, c'est que la main la mieux réussie est celle de Tropman, elle est petite et bien prise. Vient ensuite la main de Monsieur de Lesseps, mais elle a quelque chose de moins aristocratique. Celle d'Alexandre Dumas est large comme un battoir, quant à la main de l'orang-outan, elle est tellement allongée qu'il semblerait qu'elle a été passée à la filière. Sur la même tablette se trouvent d'autres mains, deux surtout, avec cette inscription, deux mains de nègre représentant le pli palmaire des anthropoïdes. Le pli palmaire, c'est-à-dire de la paume des mains. Qu'est-ce que ce pli? En comparant un peu machinalement le creux de ma main avec celui des deux nègres, je vis avec terreur que nos plis étaient absolument les mêmes. Suis-je donc un anthropoïde? C'est là un point que je n'ai nul intérêt à éclaircir, encore moins à ébruiter. Passons. Ou plutôt quittons cette enceinte tout imprégnée, pour parler le langage de Darwin. Deux miasmes simiens, car ces miasmes donnent la nausée. Aussi vous ferai-je grâce des peintures murales qui, par des assimilations forcées et ridicules, tendent à préparer les esprits à la métamorphose du singe. Ces peintures rappellent certains dessins qu'on aperçoit aux étalages des marchands d'images, lequel représente une tête de grenouille qui, par nuances insensibles, se transforme en tête d'Apollon. C'est fort drôle, mais du moins, par cette fantaisie, l'artiste n'a jamais eu la prétention d'être pris au sérieux. Je ne saurais cependant ne rien dire, de certaines inscriptions gravées en petits caractères, et comme furtivement, au pied des deux groupes de singes, dont nous avons parlé plus haut. Ainsi, on y lit, chimpanzé troglodyte. Chimpanzé troglodyte. Et quoi? Ce n'est pas l'homme qui a habité les cavernes où l'on a rencontré des armes et des ustensiles fabriqués avec du silex, c'est le singe? Pour le coup, ceci est par trop fort. Mais citez-nous donc les cavernes de l'âge de pierre, ne fût-ce qu'une seule, où l'on ait trouvé des crânes de chimpanzés ou de tout autre quadrumane, pouvant ainsi donner le change et permettre de substituer le singe à l'homme. Non, il est impossible de se moquer plus impudemment de l'histoire, de la vérité, du public. Aussi je tiens, en terminant, à faire ici appel à tout homme de science et de conscience. Je dirai donc sans crainte d'être démenti, n'est-il pas vrai que l'exhibition de toutes ces insanités darwiniennes, doublée du boniment quasi officiel qui l'accompagnait, a constitué, comme science, une honte, et, comme morale, un scandale? L'article que l'on vient de lire, par suite surtout de la reproduction qu'en firent les principaux organes de la presse catholique, eut un tel retentissement que M. Krantz, commissaire général de l'exposition, essaya d'en atténuer l'effet dans une lettre adressée au directeur du journal qu'il avait inséré le premier. Voici cette lettre, monsieur. Vous signalez à mon attention les conférences faites à l'exposition spéciale d'anthropologie et vous paraissez désirer que j'intervienne pour réprimer ce que vous regardez comme un abus. Mes pouvoirs, monsieur, ne vont pas jusque-là. Je n'ai en aucune manière qualité pour me faire juge des doctrines émises par les exposants. Obligé par ma situation à la plus tolérante impartialité, je ne puis demander aux divers exposants, quels qu'ils soient, que de respecter les règlements de l'exposition et les convenances. La société d'anthropologie ne manquera assurément à aucun de ses devoirs et, il suffit de citer le nom de son respectable président, Monsieur de Quatrefages, pour en être absolument convaincu. Vous me permettrez donc, monsieur, de ne donner actuellement aucune suite à la communication que vous avez bien voulu me faire, et de vous prier de vouloir bien, à l'avenir, vous borner à me signaler les faits répréhensibles sur lesquels l'autorité du commissaire général peut légitimement s'exercer. Agréé, monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée. Le sénateur, commissaire général, N. Krantz. Ainsi monsieur le commissaire général, qui régnait en maître sur tout ce qui, de près ou de loin, touchait à l'exposition, se trouvait complètement désarmé vis-à-vis de ceux qui la compromettaient par l'intempérance de leur langage. Seulement, pourquoi ajoute-t-il qu'il n'était tenu qu'à faire respecter les règlements et les convenances? Ce n'est donc, selon lui, manquer ni aux unes ni aux autres que de prêcher l'athéisme et le matérialisme les plus éhontés. Puis, à propos de quoi faire intervenir le nom de Monsieur de Quatrefages dans des questions où sa personnalité n'était nullement en jeu? Car enfin il n'y avait rien de commun entre les séances de la société d'anthropologie qu'il présidait, et les conférences faites dans la salle de l'exposition dont il était absent. Mais laissons là ces récriminations, elles sont maintenant sans objet, comme elles ont été alors sans résultat, la grande exhibition darwinienne ayant été jusqu'au bout une honte et un scandale. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.